on va donc parler de notre ami Yann Lindingre, le dessinateur nordiste. Qui a eu tout plein de problèmes avec la justice à cause de son précédent album, Titino Bistro. Mm-hmm. Il était prof de dessin dans une école de beaux-arts dans le Nord. Oui, effectivement, je me souviens de cette histoire. Et une de ses collègues a cru se reconnaître dans un des personnages. Oui, elle lui a fait plein d'embêtements et tout, alors que le garçon... Bon... Il y a eu plein de soucis. On a cru qu'elle avait porté plainte, ou elle a porté plainte à un moment. Du coup, il a été viré. Mais tout ça n'a pas été fait en bonne et due forme, mais pour des raisons quand même franchement fallacieuses. Et je pense qu'au bout du compte, la justice lui a donné raison. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ça avait fait un peu la une des journaux, là. Mais bon, triste histoire, mais il faut dire que le style de Lindingre se prête bien à ce genre de péripéties, puisque il joue la provoque quand même, l'ami. Clairement, on avait déjà parlé du premier tome de chez Francisque, dessiné par Lindingre et scénarisé par Larsenet, il y a maintenant... Ouf, un bon moment, hein, je pense, non? Ouais, 2 ans peut-être, ouais, quelque chose comme ça. J'ai pas la date de parution du premier, de nouveau, mais enfin bon. Donc deuxième tome de chez Francisque. C'est pas dessiné à quatre mains aussi? Un peu comme le magasin général, parce que j'ai l'impression quand même qu'on reconnaît un peu la patte de Larsenet dans tout ça, non? Il y a un peu la patte de Larsenet, mais ils disent à tout le monde que c'est scénarisé par Larsenet. Enfin, Larsenet prétend qu'il ne dessine pas, en tout cas. D'accord. Bon, après, ce que Larsenet prétend, hein, on sait quoi en penser. Donc chez Francisque, c'est quoi? Ben c'est un bistrot, le bistrot du coin, hein, Parigo, avec tous les beaufs qui débarquent et le vieux militaire qui gueule au coin du bar que les Arabes c'est tous des salauds, et puis de toute façon les Italiens c'est pas mieux, et les Jaunes c'est encore pire, donc bien réac. Je parle même pas des Belges. Voilà. Oh, les Belges, mon pauvre ami. Bah si, on va en parler justement juste après. Lindingre dépeint c'est un peu un réserve des temps modernes. C'est un peu dans une interview sur Even, je reparlerai d'Even tout à l'heure. Lindingre se vante de pratiquer la méthode Aikido en BD. La méthode Aikido, vous connaissez le principe de l'Aikido en arts martiaux, c'est utiliser la force de l'adversaire. Donc c'est esquiver et retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Ben, Lindingre tente un peu de pratiquer ça en BD, c'est-à-dire que lui, quand il va au bistrot, ça l'énerve, les gens cons. Mais effectivement, quand on discute avec eux, ça mène à rien. Quand on n'arrête pas de les contredire, on devient aussi chiant qu'eux. Donc autant essayer d'en faire une BD et de pousser ça tellement jusqu'à l'extrême que ça en devienne ridicule et qu'on se moque. Bon, c'était le principe de chez Francisque, c'est toujours le principe de chez Francisque, c'est décliné en une série d'histoires courtes, hein, une planche, deux planches, trois planches, quatre planches, rarement plus. Il y en a un petit recueil sur du mauvais papier, c'est des dessins avec pas de décor, c'est vraiment un peu dans... Mais enfin, non, dit Xavier, tu deviens réac de la BD ou quoi? Du tout, je ne dis pas de mal en disant ça. Ah, c'est des c'est du mauvais papier, des dessins avec pas de décor, c'est donc du réserve. Essaye donc de dire du mal de Reiser. Le problème, c'est que Reiser, il y avait toujours une petite étincelle de génie. Et en plus, Reiser, il n'y a rien à faire. C'était il y a 20 ans. Donc il y avait quelque chose de neuf là-dedans. Je trouve que dans la grosse gaudriole poussée à l'extrême de Lindingre, il y a quelque chose qui arrive un peu tard. Je pense. Donc il y a des blagues qui tombent un peu à plat. On souhaiterait parfois que ce soit poussé encore plus loin. Décidément, que ce soit poussé encore plus loin, parce que on a juste envie de dire mais qu'est-ce que c'est que cette BD réac, alors qu'en fait non, justement ça se moque du truc, mais parfois ça va pas assez loin pour qu'on voit que ça se moque. Donc c'est je suis assez mitigé sur ce tome 2. Autant le tome 1, bon, il y avait des choses qui étaient vraiment sympathiques, autant le tome 2, je vous l'avoue, il m'est un petit peu tombé des mains. Bon, maintenant, si vous êtes fan de l'humour grinçant du grand je m'en fous et des trucs un peu... ouais, Larsenet quand il se lâche, quoi. Larsenet bourré qui se lâche. Voilà. Ça fait un peu ça. Lindingre, à mon avis, il aime beaucoup Larsenet quand il est bourré. Et qui se lâche. Et qui, ouais, probablement, parce qu'à mon avis, tu vas se lâcher. Donc voilà, bon, je ne vais pas te dire dithyrambique là-dessus, c'est paru chez Fluide Glacial. C'est très bien, hein, je veux dire, c'est très bien qu'il y ait de la place dans le monde de la BD d'aujourd'hui pour ce genre de choses, mais je ne suis pas total fan. Et en fait, je vous parle de celui-là parce qu'il y en a un autre donc qui est sorti quasiment en même temps et qui s'appelle Titine à Charleroi. Alors tu nous parlais de Titine au bistrot, Bruno. Je vois que nous avons fait tous les deux les mêmes ressources, les mêmes recherches et... pas moyen de voir si c'est juste une adaptation ou si c'est entièrement redessiné dans le même principe, mais à Charleroi. Mais de fait, c'est un peu un hommage à la belgitude toute pourrie. Simple mise en bouche, les deux premières cases de l'album. Donc on voit une foule qui regarde des plans et au loin un haut fourneau et un petit surtitre qui dit « Il est déjà 11h30 et toute la Wallonie est au travail depuis au moins une bonne demi-heure. » Donc voilà, toute la Wallonie, non, Charleroi résiste toujours. Et puis on nous dépeint pendant un bon 40 planches les aventures de Martin et Bouffy, qui sont de fiers habitants de Marcinelle, qui ont une vie très très bien remplie, parce que entre aller toucher leur mandat de la LA, passer à la poste, et puis répondre aux convocations du forum, du directeur de l'école, parce que Bouffy évidemment va plus à l'école, il a mal à la tête quand il écrit. Donc c'est la description la plus crasse, la plus méprisable, la plus horrible, la plus répugnante de tout ce qu'il y a de plus raclure dans le bas du fin fond de la caricature de la société carolorégienne. En gros, je ne sais pas si je peux le faire mieux. Ouh. C'est bas. Franchement, ça tape pas haut du tout. C'est dans l'humour, un peu dans le même style que chez Francisque, c'est-à-dire que bon, bah, ça se moque parce que ça pousse à l'extrême, mais en même temps, des fois, c'est tellement bien tapé. Alors, c'est réécrit en fait à la belge, hein. Quand je fais l'accent et tout ça, c'est écrit comme ça, hein. Vraiment. Il y a une bonne vieille devinette à la fin de. Oui, voilà, donc c'est Martin qui fait ses mots croisés et qui demande un mot à Bouffy. Et qui la définition, c'est personne issue d'un autre pays noir ou bien rapace carolo en trois lettres. Et la réponse, c'est NEC. NEK. Les bras m'en tombent un peu. C'est. Alors. Voilà. Drôle d'objet éditorial quand même, hein, parce que oui. Sur le blog de Lindingre, il annonce quand même que c'est un titre qui n'est disponible qu'en Belgique. Oui. Alors, est-ce que ça a été une adaptation? Est-ce qu'il a fait un stage d'immersion en pays carolo? En tout cas, s'il a vu des carolos un jour, ça a dû le marquer. Ou est-ce qu'il a vu Odette Tout le Monde et ça l'a traumatisé? Oui, c'est possible. On ne sait pas. Oui. Ben oui, on ne sait pas. En tout cas, Titine à Charleroi, c'est pas inintéressant de nouveau, parce que ça tape dans la caricature. Mais des fois, c'est tellement exactement le cliché, sans le pousser plus loin, sans avoir un moment donné où les personnages s'en prennent plein la gueule pour dire que quand même, voilà, que... C'est oh, est-ce que